Des pays du monde ont présenté les 4 et 5 courants la réponse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée aux questions en matière d'arguments au sein des États-Unis sur la nouvelle désignation de la Corée populaire comme sponsor au terrorisme. L'agence de presse russe TASS, la télévision centrale chinoise, les sites internet chinois Planète, Chine et Orient, la télévision presse de l'Iran, le journal Ocean News Point, la NDTV, et la télévision Genius de l'Inde et le site internet du Comité national d'études des études judiciaires du Congo démocratique ont donné des titres comme « La Corée avertit l'administration américaine qu'elle paiera sévèrement si elle la désigne de nouveau comme sponsor au terrorisme ».